Paris, Paris, j'ai bien aimé quand tu m'as pris dans tes bras. Mais quand t'as serré, serré comme un malade, j'ai moins aimé ça. Paris, Paris, tu as pris ma santé et usé les nerfs. Mais l'avantage que j'ai sur toi, c'est que moi je peux partir changer d'air. Tant pis, tant pis, je rêverai du musette à l'ombre des glycines. Et je penserai à la merde de chien sur les trottoirs les soirs de spleen. Paris, Paris, j'ai bien aimé quand tu m'as pris dans tes bras. Mais qui trop pétrin des coups, des câlins, c'est con, mais c'est comme ça.